Chapitre 4. De nouveau, je m'étais perdu dans mes souvenirs d'enfance et, oubliant mon compagnon, je restais silencieux à côté de lui, sous les ombrages de la Haus Wiese. « Eh bien, s'écria-t-il enfin, il me semble, beau ténébreux, que j'ai passablement respecté vos rêveries. Je vous demande néanmoins pardon de les troubler, ce que je ne ferais certainement pas si mon estomac ne demandait à grands cris son déjeuner. Si donc vous le voulez bien, nous reprendrons notre route. « Acceptez, » fis-je en me levant. « Mon estomac parle aussi haut que le vôtre. » Alors faisons taire ce duo d'affamés en allongeant le pas. Après un quart d'heure de route par un sentier onduleux, charmant et ombreux, le long duquel serpente la Schwerhardt, nous nous trouvons en face d'un chalet adossé à un rocher qui, en effet, ressemble un peu à notre salève. Des tables et des bancs, tout ce qu'il y a de plus primitif, sont disposés tout autour de la maisonnette dans une irrégularité pittoresque, car il est entendu que dans un pareil lieu, le café se prend en plein air. Madame Yamor-Pépé mit le nez à la fenêtre au bruit de nos pas, et nous trouvant sans doute de trop minces personnages pour nous faire l'honneur de sa présence, nous envoya une servante fort jolie, quoique un peu rousse, qui nous servit très vite et très bien. « Mon cher garçon, » dit Rodolphe, tout en dégustant son café, « cet endroit, si solitaire à cette heure matinale, offre un tout autre aspect au moment du goûter. Alors, autour de ces humbles tables de bois, à moitié vermoulues, s'assied tout ce que Baden renferme de femmes charmantes, voire même des princesses de la famille impériale. J'aurais dû t'y amener à ce moment-là. Tu aurais eu la chance d'y rencontrer ta divinité aux cheveux noirs. Ne t'inquiète point, mon cher Rodolphe, j'y reviendrai. Tu trouves, n'est-ce pas, que ce lieu serait bien choisi pour y placer le premier chapitre de ton roman? Je t'ai dit que j'abandonne mon roman aux soins de la Providence, à elle aussi de choisir les lieux. Mais je n'ai point d'opposition pour celle-ci. Tout en badinant ainsi, nous déjeunâmes. Sitôt que je finis ma seconde tasse de café, je me levai, impatient d'escalader le roc qui s'élevait au-dessus de nos têtes et dont l'aspect avait quelque chose qui attirait les pieds. Je pris donc les devants, tandis que mon ami soldait notre compte, prolongeant à dessein la transaction pour jaser avec la gracieuse servante. Le sentier que je pris était étroit, sinueux, rocailleux, rapide, comme j'aime les sentiers. À droite, le rocher s'élevait comme un mur et des plantes dont, à ma honte, j'ignorais le nom, le couvraient de verts réseaux où souriaient des étoiles d'or et d'argent. Les buissons de chêne, crus çà et là, inclinaient vers moi leurs branches comme pour me saluer. L'air était pur et légèrement embaumé de cette senteur agreste qu'exhalent les fleurs de montagne et qui n'amollit pas les nerfs comme les parfums de la plaine. Les oiseaux chantaient, les insectes bourdonnaient. Envie me vint de faire comme eux. Je lançai aux échos cette improvisation, fruit de ma causerie avec Rodolphe. « Viens, jeune belle, que dès longtemps, hélas, j'attends. Viens, je t'appelle. » J'en ornai la finale d'un magnifique point d'orgue, et je la répétai jusqu'au moment où il me vint la pensée que quelqu'un pouvait m'entendre. Une femme, peut-être, qui prendrait mon improvisation pour une impertinence. Je me sentais rougir, et me taisant, comme on le pense bien, je continuai mon ascension d'un pas timide. Au moment d'arriver, j'avançai craintivement la tête par-dessus les buissons, mais il n'y avait personne sur la plateforme qui termine l'Urtelstein. Je respirai et me dirigeai vers un banc rustique qu'une bonne âme avait placé là. En m'asseyant, je remarquai à côté de ce banc un petit objet blanc que d'abord je pris pour un chiffon de papier de soie. Je le pousse du bout de ma badine, il se déplie, une broderie et une dentelle apparaissent, je relève l'objet. C'était une batiste d'une finesse extrême, qu'entourait une riche valencienne au-dessus de laquelle une guirlande de pervenche serpentait capricieusement. Ce riche tissu, qui exhalait une douce odeur de verveine, on l'a deviné, c'était un mouchoir. Mais pourquoi n'y avait-il pas un autre nom pour désigner un tel objet? Mouchoir. Ce mot disgracieux qui rappelle le rhume de cerveau. Peut-il s'appliquer à un tissu diaphane, aérien, et qui ne sert à autre chose qu'à donner contenance à une jolie main? Ce que j'admirais surtout, c'était la merveilleuse vérité de la broderie. La fantaisie, qui conduit toujours plus ou moins l'aiguille de la brodeuse, avait abdiqué cette fois, et la nature avait été si scrupuleusement observée qu'on aurait pu herboriser sur cette batiste. « Où est-elle ? » me cria Rodolphe en apparaissant au haut du sentier. « Qui donc ? » demandai-je. « Eh mais, » répondit-il, « la jeune belle, que dès longtemps. » « Elle n'a pas daigné se montrer, » fis-je gaiement. « Mais sans nul doute, elle était là, j'en tiens la preuve, regarde. Oh oh ! Voilà qui n'est pas à dédaigner, de la batiste, de la valencienne, de la verveine, et une broderie incomparable qui prouve le goût de la dame, et plus encore sa fortune. À ta place, je chercherai, à l'aide de cette pièce de conviction, la main qu'il a laissée échapper. C'est bien ce que je compte faire. Oui, cherche, mon ami, et pour ta récompense, tu te trouveras un beau jour face à face avec quelques vieilles baronnes en lunettes qui... Baronne, peut-être, mais non vieille, car elle n'aurait pu gravir ce roc ardu. Tu es forcé de m'accorder qu'elle est jeune. Jeune peut-être, mais laide en tout cas. Pourquoi, s'il te plaît? Parce que les gens romanesques sont coutumiers de mes contes. Parce que tu vas te faire de la dame inconnue un portrait merveilleux, idéal, impossible, et que si tu la retrouves, tu seras déçu, comme de raison. Ce sera donc la première fois, car jusqu'ici, lorsque j'étais trompé, c'était en bien. Quand mon parrain exigea que je vinsse à Vienne, je partis comme un condamné. Je me représentais l'Autriche comme un lieu d'exil sombre et froid, où je n'aurais que des ennuis, des mépris, des déboires, et au contraire, interrompit Rodolphe, Vienne, la ville des palais, a conquis le fils de Genève, la ville des boutiques, et la famille Lehmann adore le précepteur genevois. Mais tu dois cependant avoir du mal avec Gustave. Ce beau garçon aux yeux noirs a toute l'indolence des juifs orientaux, avec ceux-là colère et entêté. Ces gouverneurs n'en ont jamais rien pu faire. Eh bien moi j'en fais quelque chose, parce que je l'aime et qu'il me le rend bien. Je suis aussi le grand ami de sa petite sœur Anna, et même j'ai gagné le cœur de la gouvernante. Pour cette dernière conquête, fit Rodolphe avec une grimace, je ne te l'envie pas. Est-elle assez laide, cette vieille fille? Mais cette laideur est intéressante, parce qu'elle est causée surtout par le manque de bonheur. Dans toute la contenance de la pauvre demoiselle, on lit la crainte de déplaire. Le jour de mon arrivée à Vienne, le regard inquiet de ses yeux d'un bleu effacé se fixa sur moi à la dérobée, comme pour dire « Qui vive ?» Le mien dut lui répondre « Ami ». C'est qu'elle ne doit pas être fort heureuse chez vous. Madame Lehmann, bonne au fond, est assez impérieuse. À propos, n'a-t-elle pas essayé de te plier comme elle fait de chacun? Oui, mais comprenant qu'elle y perdait sa peine, elle y renonça, en femme d'esprit qu'elle est. Tu le sais, la nature m'a fait timide, mais non pas humble. Si on m'attaque, je me défends. Madame Charlotte eut un étonnement qui tenait de la stupeur la première fois qu'elle me vit résister à Madame Lehmann. Son émerveillement s'accrut lorsque je pris son parti à elle-même, ce qui arriva souvent. C'est d'un vrai chevalier, et nul ne peut suspecter la pureté de ton zèle. Madame Lehmann, repris-je, qui trouve de ma hardiesse le plaisir de la nouveauté, semble faire quelque cas de moi. Elle est polie, presque affectueuse avec l'humble précepteur, et Mademoiselle Charlotte, qui a plus souvent rencontré l'indifférence que la sympathie, me paye de la mienne par une sincère amitié. En sorte que ton existence est assez douce, oui, vraiment. Se sentir quelque peu utile, être aimé, habiter une contrée qui ressemble à la Suisse, c'est un grand adoucissement à l'exil. Il est vrai que tu ne t'es pas trop mal partagé. Je t'envie surtout d'habiter la villa Grünkopf, la plus charmante de Baden, où toutes les maisons ressemblent à des palais enchantés. Tu peux attendre sans impatience que le château que fait bâtir M. Lehmann soit achevé. Poète comme tu l'es, tu dois aimer ton jardin avec ses nymphes de stuc, ses bosquets de roses et ses globes de cristal doré et argenté qui brillent sur les buissons comme des fruits merveilleux. Certainement, mais ce que j'aime moins, c'est de voir se promener entre ses roses, ses nymphes et ses boules, le propriétaire de toutes ces belles choses. Qu'a-t-il donc fait, ce brave M. Grünkopf? Il s'habille un peu ridiculement, mais un sage comme toi ne regarde pas à l'apparence. Tu sais d'ailleurs qu'un militaire ne s'entend guère à porter le costume du Pékin. Or, le colonel Grünkopf a longtemps servi dans les dragons. Il se repose actuellement des fatigues de la guerre en cultivant œillets et roses. Plus raffiné en cela que Dioclétien qui ne s'élevait pas plus haut que les choux. Et il surveille en jaloux l'épanouissement de chaque fleur et la croissance de chaque fruit. Sans cesse, il se promène autour de ses pêchers et de ses poiriers, comme un dragon mythologique accompagné de son grand air neuf César. Je ne sais s'il nous soupçonne, Gustave ou moi, d'être gens à porter une main sacrilège sur ses fleurs bien-aimées ou sur ses fruits adorés, mais il nous honore d'une froideur qui n'est pas éloignée de la malveillance. À votre place, je me vengerai. Je ne laisserai pas une rose, pas un abricot. J'ouvrirai ses volières, je donnerai la clé du ciel à ses oiseaux, celle des bois à ce chevreuil qui s'ennuie sans compagnon dans son clos trop resserré. Je chercherai un onguent qui puisse faire repousser les ailes coupées de sa cigogne, afin qu'elle aussi s'en alla. Enfin, je lui jouerai tant et tant de tours que sa haine serait justifiée. Tu es par trop fou, Rodolphe, et toi par trop sage, Édouard. Mais à tout prendre, Herr Grünkopf n'est qu'un fort petit nuage, dans un ciel très bleu. Tu es heureux, et c'est le moment de jeter ton anneau à la mer. Donne-moi ce mouchoir et renonce à en découvrir la propriétaire. Point du tout, répondis-je en riant. J'ai l'idée que cette guirlande de pervenche est le mystérieux lien qui m'unira à celle que je dois aimer, et que de cette étoffe parfumée va dépendre mon destin. Je n'ai donc garde de m'en saisir en faveur d'un autre. En jasant et badinant ainsi, nous étions arrivés devant la villa Grünkopf. « Ne veux-tu pas déjeuner avec moi ? » demandai-je à Rodolphe. « Tu sais que tu es toujours bien accueilli ?» « Par monsieur et madame Lehmann. »« Grand merci, je vais me rejeter en wagon. » On donne ce soir à l'opéra le ballet de Nana Sahib. Décor et costumes splendides. Le directeur a dépensé 400 000 florins pour monter cette folie. Je n'ai garde manqué la première représentation. Adieu.